spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik 1. Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre émission de rock progressif. Installez-vous donc pour deux bonnes heures de rock alternatif rock. Je ris parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de gens qui des nouveaux qui font du prog et qui ne font pas du prog, ils font de l'alter rock ou c'est tout ça pour dire que on des fois, on se pose la question, est-ce que le mot rock progressif perd un peu de son cachet? Et en fait, même les gens essaient de l'éviter. Bruno me regarde. Il n'y a pas de réponse, Bruno. On ne le sait pas. C'est une tendance, mais bon. D'ailleurs, on parlait d'alter rock ou dans tout cas de rock artistique. Ça m'amène à vous parler de Fido, le groupe américain qui mélange un peu justement là, différents styles et qui finalement c'est quand même du rock progressif. Et c'est tout ceci pour vous dire que on a eu la confirmation que cette formation américaine qui ne présente que très peu de concerts va être à Québec dans le cadre de la convention Terra Incognita le 18 mai. Juste avant RPWL, ça va être une mosse de belle soirée, ça, les amis. Donc, Fido et RPWL. Et puis, le dimanche, confirmé aussi, Il Castello di Atlante, superbe formation italienne, et évidemment, The Flower King. Donc, encore une autre belle journée. Il nous manque seulement maintenant deux groupes à confirmer, un pour le samedi, un pour le dimanche, et on va vous revenir bientôt sur ça, j'ai bien l'impression. On commence donc avec le monsieur Fido, Fido Xavier de son vrai nom. Un groupe, c'est un collectif de 10 musiciens depuis quelques disques, là, pas depuis le début. Et d'ailleurs, les premiers disques n'étaient pas essentiellement là, tendance progressive, c'était plus rock un peu. Là, c'est vraiment avec The Great Leap qu'on a vu que le groupe prenait une tendance vraiment plus progressive. Et c'est justement un extrait de ce disque qu'on va écouter. de Great Leap, mais je vais vous rappeler avant, évidemment, que vous êtes à l'écoute de CKRLMF 89.1 et ses terrains incognita jusqu'à minuit. Left behind.

respiro la notte, cammino piano verso un destino, guardo le stelle, respiro la notte, cammino piano verso un destino. Could be. it could be. There's nothing new in these stars, and it could be. I'll stay wherever you are. Well, it could be. Smile beside you in the rain. Well, it could be a new world right out your door. It could be all that for us to Fido, en américain. Donc, Fido, un extrait de The Great Leap, You and Me Against the World of Pain. Oui, donc, j'en parlais tantôt pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, Fido, présence confirmée le 18 mai dans le cadre de la convention Terra Incognita. Et tant qu'à y être, ben, tout juste avant, on avait Il Castello di Atlante, un extrait du plus récent. Les Antiques Moura, et eux aussi ont confirmé leur présence pour le 19 mai, tout juste avant The Flower King. Donc, écoutez, la convention pour 2013 ressemble pas mal à cela maintenant. C'est samedi, en ouverture, un groupe a confirmé. Après ça, tout de suite après, après le souper plutôt, Fido, 19h30, et puis 21h, RPWL, ou si vous préférez RPVL ou VL d'Allemagne, donc de la belle visite. Et le lendemain, en fin d'après-midi, ben, un groupe encore a confirmé. Après le souper, c'est Il Castello di Atlante, formation italienne qui en sera sa première visite probablement au Canada, ça c'est assuré, mais en Amérique du Nord, je ne sais pas. Bonne question. Et puis, pour couronner le tout, de Flower King. Donc, ça va être une fin de semaine de rock progressif assez relevé. Et

on a path of light to explore unknown lands, climb the highest mountains, behold the view of giants, launch into the stars, discover friendly planets, build fantastic cities, and honor them with gods. Night unfolds, the sky reveals a soul, Aurora dancing wildly, reverence colors on fire, speeding towards the dawn, advancing, evolving, growing, alive among the stars, rational being, charismatic, he soars. The waking mind will soon discover it's not yet real. Though it seems an impossible place and time, reality is not so far behind. Follow a line from cause to effect, and show the laws of nature there to respect. The world can be more than what it may seem. This one thought becomes a theme, seeking expression, seeking form, growing inside a creative soul, soon to be born. Into a book or onto a screen, there are many places we could take this dream. Chisel the stone until the shape is right, paint on a canvas in fanciful flight. But this life it will live once again, sing to the bright sky, this vision is now a song.

Ça nous vient d'Allemagne, Blind Ego. Et c'est le disque Mirror. En fait, c'est le projet du guitariste de RPWL, Cale Warner. C'est le premier, sauf erreur, je pense, qui a été publié. Il y a deux disques là, sous le nom de Blind Ego. RPWL, évidemment, je vous le rappelle, vont être à Québec le 18 mai, dans le cadre de la convention Terra Incognita. Et tout juste avant aussi, on avait Lo-Fi Resistance, Charles Klein. C'est tout nouveau, mais en fait, c'est tellement chaud que ça me brûle un peu les doigts. Je pense qu'il n'est pas encore disponible. Ça nous vient des États-Unis. C'est le projet, en fait, plus d'un musicien, mais il s'est très bien entouré pour ce nouveau. C'est son second disque. On retrouve à la batterie, peut-être que certains auront reconnu le style de Gavin Harrison de Porcupine Tree. Et puis aussi Colin Edwin qui est sur ce disque. Donc, deux membres de Porcupine Tree pour donner un petit coup de main à M. Randy. Lo-Fi Resistance, Charles Klein. Et puis, je pense qu'on avait commencé avec... Steve Cochrane, oui, c'est ça. Un Ontarien qui nous arrive avec son quatrième disque. Belle surprise, La La La Variation on a Happy Song. Quand vous voyez la pochette, c'est pas trop invitant. Le titre non plus, d'ailleurs, mais musicalement, c'est une toute autre chose. Donc, faut un peu faire preuve d'ouverture d'esprit quand on voit la pochette. C'est vraiment pas génial, mais la musique l'est. Donc, Steve Cochrane, La La La Variation on a Happy Song. Et c'est déjà le temps de vous dire qu'il nous reste une heure. Moi, ça file. On arrive pour les pubs. Nous, on vous revient de l'autre... On aura quelques avec une autre formation américaine, Simeon Soul Charger, de leur disque Harmony Square. Donc, restez des notes, encore une bonne heure de musique avec Bruno et Michel avec vous jusqu'à minuit. 89.1 CKRL. CKRL entre dans l'entropie sonique où le death metal augmentera votre fréquence cardiaque et vous fera headbanger. Le black metal vous fera voyager dans un monde où les sombres forêts font place au désert de glace infini. Au menu hebdomadaire de l'entropie sonique, des nouveautés, des bons vieux classiques, de la brutalité et de la harme audiophonique sans bornes. L'entropie sonique, tous les vendredis, minuit. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est les spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bienvenue au bulletin nouvelle du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik... Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Wept this Charles Glen, they sang as they chopped off his head. A joyful prayer for every flame he fed. And King Tammuz sang through the moon and resonates your opus tune. But worry not, you'll be there soon with him. He heard the choir of angels sing as Charles sipped his final drink. And one day too will be your last, so try to sing the final spell you cast. dreaming here. His clawed-out host for eyes so blind could not confuse the seer. Burning on him the people, burning on him the people. The old man said that we were sleepwalking through paradise. The people cackled in amusement, yet he still advised, if you don't wake up soon, you'll stay asleep until you die. Then I awoke and saw the world through his unleavened eyes. Walked in the old art shoes. Are you listening to the bells above? They rattle, rattle, this dog clenched for battle. Now they wasted the ilk on anybody else. So what? I know I'm one. The old man points at me and says, I recognize your soul. King of Babylon bestowed this robe. Now I rejoice for your return to here has been foretold. I hope that you'll remember, I hope that you'll remember. And so I did recall a man who ruled himself for love. A young Tammuz above me stood to claim my very blood. And with me took the colors left beyond the filthy flood. And knew that I was not a man, that I just simply was.

the name of the king. Yonder on stone Bataras, summoned forth the wind, Hippopotamus. Down below, the smoke rises high. Lemurs are harmless, crawl and cry. As heat rays flash from a cold and crystal eye, and a threatening voice says, "Man, you always die." We quick as the wings, crush the dust, flatter by a wing, Hippopotamus. Thank you. Out under the wider sky, endless shifting sea, heavy rolling ocean waves tip the horizon back and forth, back and forth. Sails, bicker and tease the sheets. Weeks of sea they lay ahead to reach the port at the other side, safe and sound on solid ground. Gulls wheeling overhead, twisted, tortured flight. The witless streaks marking those who care to hear. A crew, a gang of desperate men, bound as one in fear, laid bare to luck and chance. Mermaid's curse upon them all, one and all, one and all. Decks the cargo made of hope itself. The captain charged to deliver, for a bag of gold for him awaits at the other side, come high tide. But a song bids his farewell, le grand moment de l'athlète Dominique Maltais pour Opération Nérou. C'est une grande année pour moi. Je dois rester concentré. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Ça va être un gros travail d'équipe. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Que ce soit pour être utilisateur ou accompagnateur, pensez Opération Nérou au 1-866 Desjardins pour un départ parfait. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. I'm on the road again. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bienvenue au bulletin nouvelles du 15 juin 1997. Après des années d'attente, la microbrasserie La Barberie ouvre enfin ses portes dans la capitale de Québec et prévoit mettre en vente la bière La Sincère dès aujourd'hui au Bal du Lézard. Voici les sports avec Mike Marcoux. Tiger Woods devient le numéro 1 mondial après seulement 42 semaines chez les professionnels. Il est bien évident que le jeune homme ne s'intéresse qu'au golf. Alors, mesdames, inutile de rêver. C'était Mike Marcoux en direct au Québec. Merci, Mike Marcoux. Nous vous avons présenté le radio-journal de ce 15 juin 1997. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. De retour, donc, on jette un coup d'œil dans le rétroviseur. On avait commencé le... Bon, qu'on pense, on va plutôt remonter que de commencer. Donc, la dernière pièce, c'était un extrait de Absent Tales of Romantic Vision, un groupe italien qui a pour nom Mogador. Et puis... Après ça, mais c'est toutes des formations américaines qui suivent. Tout juste avant, il y avait Plastic Overlords. C'était un mélange de psychédélique et de prog, de vieux rock des années 70. Mais le groupe, c'est pas un vieux groupe des années 70. C'est un groupe bien contemporain. Plastic Overlords, le disque Sonic Astronomy. Il y avait aussi Bad Alchemy, Rorschach Conundrum. Ça aussi, ça nous venait des États-Unis. John Calgano, le bassiste de Is, son disque solo, son premier disque solo, Real Life is Meeting. Et on avait donné le coup d'envoi avec Simeon Soul Charger, Harmony Square, un groupe assez spécial. J'écoute les deux disques là, présentement, puis je vous dirais que j'en ai encore probablement une bonne dizaine d'écoutes pour digérer le tout. C'est assez touffu comme disque, mais... c'est bon signe, je continue à les écouter. Donc, Simeon Soul Charger. On continue encore du côté des États-Unis, cette fois avec ça nous vient de Californie, Cirrus Bay, de leur deuxième disque, Step Into Elsewhere. C'est la dernière demi-heure de Terrain Incognito avec Michel et Bruno. Et il nous reste encore bien de la bonne musique à vous faire entendre. Donc, restez des notes. Terrain Incognito, c'est KRL 89.1. Emotion.

is a constant theme, a through line that unites us in our loneliness. Within all of our lives, there lives the will to need, beyond walls that divide us in our loneliness. I wanna find a way to bind reason, rhyme, and the passage of time. Aboard, so it went. The ships kept getting lost amidst the waves of discontent. Blood and dagger torn around, the willing fight to be. Leave the truth beyond, join fears and tyranny. I wanna see a war that will keep this mirror to me. I tried to find a way above the clouds struck me. If I say surely the darkness will hide me, I say surely the darkness will hide me, and the light become night around me. Another day lies dying as a new day lies in wait. Illusion lives again, this new day seals its fate. Year after year we bury, let the tears of clouds regret. New dreams will rise and fall in time, my child, beneath our dead. I can't help you, I don't need this, I want out. I wanna find a way to bind reason, rhyme, and the passage of time. I wanna find a way to find reason, right, in the passage of time. We'll be right back.